Chapitre 4. Un échange. En sortant de sa chambre le lendemain matin, la première personne qu'aperçut Rose fut l'oncle Alec, qui l'attendait sur le seuil de la porte. « Où allez-vous comme cela, ma belle demoiselle ? » lui dit-il, ainsi que dans la chanson. « Je vais à l'étable, » répondit-elle gaiement. En effet, elle n'avait eu garde d'oublier sa coupe en bois de cassia. « Allons chercher Phébé, notre professeur, » dit l'oncle Alec. Mais, au son de leur voix, Tante Prudence montra à l'autre bout du corridor sa tête encore coiffée d'un bonnet de nuit. « Où donc allez-vous tous deux, de si grand matin ?» leur demanda-t-elle, étonnée. « L'homme vertueux se plaît à contempler l'aurore, » fit le docteur en riant. « L'astre du jour s'est levé avant nous, cependant. Il faut en faire notre deuil pour aujourd'hui, mais nous deviendrons matinaux, n'est-ce pas, Rose ?»« Certainement. » « Ah, puisque je vous rencontre, ma tante, » reprit le docteur, « pourrais-je vous demander la permission d'accaparer pour mon usage personnel la chambre verte ?»« Je vous abandonne toutes les chambres du manoir, à l'exception de celle de ma sœur. » »« Et me permettrez-vous aussi de prendre à droite et à gauche de quoi la meubler à ma fantaisie ?»« Mettez la maison sans dessus-dessous si vous voulez. Tout ce qui est ici est à vous. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de rester auprès de nous le plus longtemps possible. » « Soyez tranquille, ma tante. Rose est là comme une ancre qui me retient au rivage. Je gage que vous en aurez bientôt assez de ma présence. »« Jamais !» s'écria la vieille demoiselle. « Rose, n'oubliez pas de vous couvrir, mon enfant. Bonne promenade !» Et Tante Prudence ferma sa porte. Traire son lait soi-même n'est rien moins que facile, et Rose n'y réussit pas du premier coup. Claudine, la belle vache brune, qui donnait de si bon lait, semblait reconnaître à quelles mains inexpérimentées elle avait affaire. Elle se remuait, agitait sa longue queue et se retournait constamment du côté de Rose, qui était assez effrayée de ses procédés. Enfin, après je ne sais combien d'essais infructueux, de rires et de cris de la part de Rose, l'oncle Alec se chargea de tenir la tête de Claudine. Phébé prit à deux mains la queue de la bête et Rose parvint à remplir sa tasse. « Comme vous êtes pâle, » lui dit alors le docteur, « malgré tout le mouvement que vous venez de vous donner, vous avez l'air d'avoir froid. Courez autour de la pelouse pour vous réchauffer. »« Je suis trop vieille pour courir, » répliqua Rose. « Notre maîtresse de pension, Miss Power, nous disait toujours que ce n'était pas comme il faut pour une jeune fille. »« Je ne suis pas de l'avis de Miss Power, » dit le docteur d'un ton péremptoire, « et en ma qualité de médecin, je vous ordonne de faire trois fois de suite, en courant, le tour de la pelouse. » La petite fille obéit sans dire mot. Le désir de plaire à son oncle semblait lui donner des ailes. « Je suis heureux de voir que votre vieillesse ne vous a pas encore ôté l'usage des jambes, » lui dit le docteur quand elle revint un peu essoufflée. « Votre ceinture est trop étroite. Défaites-la. »« Elle est plutôt trop large, » s'écria Rose. Pour toute réponse, son oncle décrafa la bande de cuir de Russie dont elle était si fière. Inconsciemment, l'enfant poussa un soupir de soulagement et sa ceinture s'élargit de quelques centimètres. « C'est parce que je viens de courir, » dit-elle, un peu confuse. « Auparavant, elle ne me serrait pas du tout. »« Je crois bien. Vous ne respirez pas suffisamment, et vos poumons ne sont jamais qu'à moitié remplis d'air. Je n'admets pas qu'on se serre. » Rose s'enorgueillissait souvent de sa taille mince et élégante et ne désirait nullement de la voir grossir. Elle fit la grimace. Le docteur continua. « Donnez-moi cette ceinture. Je vous ai rapporté de Turquie des écharpes et des rubans qui conviendront beaucoup mieux à une jolie petite fille. Nous ferons un échange. Voulez-vous » Rose rougit de plaisir et aussi de honte en balbutiant. « Je suis bien contente de savoir que vous me trouvez jolie. » « Seriez-vous coquette, Rose ?»« J'en ai peur. C'est un grand défaut. Je ne l'ignore point et je tâche de m'en corriger. » « Mais on me fait souvent des compliments, et je ne puis m'imaginer que je sois tout à fait laide. » L'oncle Alec sourit malgré lui. « La beauté est souvent un don funeste, » dit-il en reprenant son sérieux, « et les plus beaux traits du monde ne sont rien si l'intérieur ne répond pas à l'extérieur. Afin que vous soyez plus tard encore moins laide, je tâcherai de faire de vous une aussi belle fille que Phébé. » « Que Phébé ?» répéta Rose, stupéfaite. « Oui, cela vous étonne. Phébé a ce qui vous manque, la force et la santé. Quand donc les jeunes filles comprendront-elles que la véritable beauté ne consiste pas à ressembler à une gravure de mode ou à une poupée de cire, mais sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain, selon le vieil adage. La santé du corps est celle de l'intelligence. Voilà ce qu'il faut désirer et ce qu'il faut tant s'efforcer d'acquérir. Alors vous voudriez me voir comme Phébé frotter les planches et essuyer la vaisselle ? Oui, si vous pouviez le faire aussi bien qu'elle et me montrer des bras aussi ronds et aussi fermes que les siens. Rose était abasourdie. Vous trouvez que j'ai bien mauvais goût, lui dit son oncle, mais vous n'êtes pas encore au bout de ce qu'on appelle mes excentricités. Rentrons maintenant, il se fait tard, et je n'aurai pas trop de toute la matinée pour arranger ma chambre. Pourrais-je vous aider ? S'écria Rose. Non, ma mignonne, je vous remercie, mais n'ayez pas l'air si désappointé. La grande caisse dont je vous ai parlé est ouverte, amusez-vous à la visiter. Rose ne fit qu'un bond jusqu'à cette fameuse caisse. On peut facilement se représenter son ravissement devant tant d'objets curieux. C'était, à chaque découverte, des cris de joie et des extases sans fin. La caisse semblait inépuisable et chaque nouveau cadeau plus joli que le précédent. Une odeur d'ambre, de bois de santal et de parfums orientaux se répandit bientôt dans la chambre et le tapis fut littéralement couvert d'étoffes dépliées et de boîtes à demi ouvertes. Que de richesses ! Était-il possible à Rose de se souvenir encore devant tant de merveilles de tous les griefs qu'elle avait accumulés depuis la veille contre celui qui les lui rapportait de si loin ? Elle pardonna au docteur Alec le régime de lait et de bouillie d'avoine auquel il la soumettait, quand elle aperçut une magnifique boîte à ouvrage en ivoire découpé à jour. Elle se consola de la perte de sa ceinture de cuir de Russie en dépliant une douzaine d'écharpes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et lorsqu'elle découvrit dans un petit coffret plusieurs flacons d'essence, elle en oublia la plus grande injure de toutes, le fait de lui en avoir préféré une autre. Pendant qu'elle était si agréablement occupée, son oncle opérait une véritable révolution dans la maison. Sans doute, il avait pris au mot tante Prudence, car il bouleversait la chambre verte de fond en comble. Le fourneau de fonte, les grands rideaux de damas vert, le lit à quatre colonnes et tous les autres vieux meubles qui garnissaient cette pièce furent enlevés et portés au grenier par l'oncle Alec, aidé de Phébé et de tante Prudence elle-même. Par quoi les remplaçait-on ? Rose n'était pas si absorbée par ses trésors qu'elle ne vit de temps en temps le docteur y porter soit des chaises de bambou, soit un paravent ou des grandes nattes de chine et jusqu'à un appareil hydrothérapique. « Quelle drôle de chambre il va avoir !» se dit-elle à plusieurs reprises. Mais comme son oncle lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'elle, Rose eut la discrétion de rester où elle était. « Eh bien, Rosette, êtes-vous contente ?» lui demanda l'oncle Alec. « Je suis ravie !» s'écria-t-elle avec effusion. « Comme vous êtes bon de me donner tout cela, et que je vous remercie, je marche de surprise en surprise. Regardez-moi, ma toilette me va-t-elle bien ?»« Parfaitement, » répondit-il en souriant. Le costume qu'elle avait endossé pour faire honneur au cadeau de son oncle était un mélange original et charmant de vêtements de différents pays, un assemblage bizarre de couleurs qui lui allait à ravir et faisait ressortir la délicatesse de ses traits et la blancheur de son teint. Elle avait eu tant de plaisir et s'était donné tant de mouvements depuis 2 heures que cela avait mis un peu de vie dans ses yeux et un peu de rose sur ses joues. Et qu'elle ne ressemblait déjà plus à la languissante petite créature que le docteur avait trouvée la veille à son balcon. Sur une jupe de mousseline de l'Inde brodée, elle avait drapé une écharpe bleue, endossé une veste couverte de paillettes et posé un fez rouge sur sa tête blonde. Ses petits pieds jouaient dans des babouches turques et à son cou pendaient jusque sur sa poitrine plusieurs colliers d'ambre, de corail et de filigrane. D'une main, elle tenait un flacon d'odeur. De l'autre, une boîte de bonbons qui venait en droite ligne de Constantinople. « Il me semble être une petite sultane des mille et une nuits, » reprit Rose. « Ah, mon oncle, comment pourrais-je jamais vous remercier de toutes vos bontés pour moi ?»« Ce n'est pas bien difficile, ma chérie, » répondit le docteur. « Je ne vous demande que d'être heureuse et de vous bien porter, et de m'aimer un peu, » ajouta-t-il à mi-voix. « Non pas un peu, mais beaucoup, » s'écria Rose. L'oncle et la nièce échangèrent un baiser. « Je vous laisse, » dit le docteur. « Il faut que je retourne à mes importants travaux. »« Et moi, » fit Rose, « je vais aller me montrer à tant de patience, dans toute ma splendeur. » La bonne demoiselle admira complaisamment les moindres parties de la toilette de sa nièce. « Vraiment, ma tante, » lui dit celle-ci, « je trouve que je ne devrais pas avoir tant de belles choses pour moi toute seule. Si j'en donnais une partie à Phébé, pensez-vous que cela fâcherait l'oncle Alec ?» « Je ne crois pas. mais Phébé préférerait peut-être des choses plus utiles. Si vous lui donniez une de vos anciennes robes, arrangée à sa taille, cela lui ferait sans doute plus de plaisir. « Elle est trop fière pour accepter des vieilleries !» s'écria Rose. « Si je lui donne jamais des robes, ce seront des robes neuves. » « Puisqu'elle est si fière, elle n'acceptera pas plus les unes que les autres, » objecta tant de patience. « C'est vrai, que faire? Si au moins elle était ma sœur, cela irait tout seul. Nous partagerions naturellement ce que j'ai. Mais elle n'est pas ma sœur, c'est là qu'est la différence. Ah, une idée, je vais l'adopter. Cela reviendra au même. » « Vous êtes trop jeune pour adopter qui que ce soit, » dit tant de patience en riant. « Mais rien ne vous empêche d'être bonne pour cette petite Phébé. Ne sommes-nous pas tous frères et sœurs dans la grande famille humaine ?» Satisfaite de cette demi-approbation, Rose entra dans la cuisine comme un petit ouragan. Phébé frottait de toutes ses forces des chenets en cuivre poli. Elle tressaillit en entendant crier aux oreilles « Sentez cela, goûtez ceci et regardez-moi » Cela, c'était le flacon d'odeur, et ceci, un des plus gros bonbons de la boîte de Rose. Phébé ne se fit pas prier pour obéir, et elle admira en conscience la petite sultane qui lui parlait. Rose continua avec volubilité. « L'oncle Alec m'a rapporté des masses de cadeaux, vous verrez. Je vous les montrerai. J'aurais voulu les partager avec vous, mais tant de patience dit que vous aimeriez mieux des choses plus simples. Alors, je vous donnerai autre chose, ce que vous voudrez. Cela ne vous fâchera pas. Je voulais vous adopter. Pas maintenant, on dit que je suis trop jeune. Mais ce sera pour plus tard, quand je serai grande. Voulez-vous ? Quoi ? Comment ? Je ne comprends pas, dit Phébé. Il n'y avait rien de bien étonnant à ce que Phébé ne comprît pas. Rose parlait si vite et d'une manière si incohérente qu'il eût été difficile de saisir du premier coup le sens de ses paroles. « Oui, Phébé, reprit-elle plus posément, vous n'avez rien et moi j'ai tout. Ce n'est pas juste. Il faut que nous partagions comme deux sœurs. Et puis j'ai pensé que si je vous adoptais, je serais plus heureuse. Voulez-vous ? » Phébé cacha sa tête dans son tablier sans répondre. « Ah, mon Dieu !» se dit Rose, très surprise et non moins découragée. « Je l'aurais blessée sans le vouloir. Bien sûr qu'elle est fâchée. Je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine, » dit-elle pour réparer son erreur, autant que possible. « Ne m'en veuillez pas, je vous en prie. » Phébé leva la tête et, souriant à travers ses larmes, jeta ses deux bras autour du cou de Rose. « Ah, que vous êtes bonne, mademoiselle !» s'écria-t-elle. « Vous n'êtes pas fâchée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour cela que vous pleurez. » « Oh non, au contraire, mais jamais personne ne m'a témoigné autant d'intérêt, et c'était si doux !» L'émotion lui coupa la parole. « Pensez donc, mademoiselle, » continua-t-elle, « vous m'avez dit que vous m'aimiez comme une sœur. »« Mais certainement, » dit Rose, « je vous ai aimée depuis la première minute où je vous ai vue et entendue, » ajouta-t-elle en riant. Phébé essuya ses yeux. « À la bonne heure !» s'écria Rose. « Maintenant, nous allons faire comme dans les contes de fées. Vous êtes Cendrillon et moi sa marraine. De quoi avez-vous le plus envie, ma filleule ? Répondez-moi bien franchement. » Phébé, qui avait elle-même beaucoup de tact, comprit la délicatesse de sa petite amie et répondit avec chaleur « Je n'ai plus qu'un seul désir, mademoiselle, c'est de pouvoir un jour vous prouver toute ma reconnaissance. Comment ? » s'écria Rose. « Qu'ai-je fait là de si extraordinaire ? Je vous ai donné un bonbon, voilà tout. Il y a bien de quoi me remercier, en vérité. Tenez, en voilà d'autres. Réfléchissez sérieusement à ce qui vous fera le plus de plaisir, et quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me le dire. Au revoir, je vais aller ranger mes affaires. N'oubliez pas que je vous ai adopté. Vous m'avez donné plus que des bonbons, mademoiselle. Vous m'avez témoigné de l'affection, et cela je ne l'oublierai jamais. Jamais !» répéta Phébé en prenant dans ses mains à aller la petite main blanche que Rose lui tendait et en la portant à ses lèvres.